Bilan. Activité 1. Page 130. Piste 100. Salut, ça va? Salut, Paul. Ça va. Et toi? Oui, ça va très bien. C'est les vacances ce soir. Oui, c'est génial. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars? Oui, avec ma mère. On va dans un club de vacances au bord de la mer. C'est super. Et qu'est-ce que vous allez faire? Moi, de la piscine et ma mère du surf. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester chez moi et je vais aller au cinéma avec ma mère. Je rentre le 17 avril. On se voit après. D'accord et bonnes vacances.